Donc le leurre est derrière un homme. Parlez au jongleur, mais montrez-lui le nez rouge. Parlez au jongleur et essayez de nouveau de jongler. Lorsque le jongleur et le gendarme parlent, puis descendez sous les rues. Examinez l'arche la plus à droite. Utilisez la clé pour égout afin de faire un trou dans le plâtre. Examinez le mécanisme, c'est le levier. Montez dans le bateau, abaissez la chaîne. Prenez le crochet et attachez-le au mécanisme. Montez dans le bateau et rembobinez. Entrez dans la pièce suivante. Regardez dans le trou du mur pour voir la réunion des Templiers. Regardez de nouveau dans le trou pour voir les Templiers partir. Descendez les escaliers. Mettez le trépied au milieu du cercle. Puis, placez la gemme sur le trépied. Allez voir Lobino au musée et parlez-lui du manuscrit. Acte 5, Espagne. Tensiomètre sur le tuyau, près de la fenêtre. Entrez dans la maison, allez à droite. Lorsque les chiens aboient, double-cliquez sur l'armure. Montez à l'étage, parlez à la cuisine sur le pupitre. Prenez la Bible sur le pupitre, examinez l'échiquier sur le pupitre. Parlez-en à la comtesse, parlez à la comtesse pendant que Lopez cherche les pièces. L'énigme de l'échiquier. Les pièces blanches ne peuvent être placées que sur la colonne centrale. Mettez le roi noir échec et battre avec le fond en haut. Cavalier au milieu, roi dans la carte pour le cavalier. Acte 6, série. Montez les marches, montrez les allumettes au rondeur de tapis. Essayez d'entrer dans les toilettes du club à la mort. Lisez le panneau. Quelques bâtards à propos du panneau. Retournez dans la rue principale, cliquez sur l'étalage du vendeur de kebab au niveau de la brosse de toilette, avec l'icône de la bouche et le bouton droit de votre minori. Parlez à Nero au sujet de Harton, le vendeur de kebab. Offrez à Nero la balle rouge et sélectionnez oui lorsqu'il vous demande si vous voulez vraiment le faire. Utilisez la phrase sur Harton, retournez parler à Nero. Retournez au club et donnez la brosse de toilette au manager du club. Allez dans les toilettes, déverrouillez les humains avec les clés des toilettes et prenez-le. Retournez à l'étage de Nero. Nero devrait maintenant jouer avec la balle. Vous êtes là, et faites sonner la cloche à l'étalage. Ramassez la balle, utilisez le La paramos con nuestro código. No para nada. Tenemos un código especial para la parada. Parar de la luz. ¿Cuánto estoy pegando? No, no. ¿Cómo así? A parar de la luz. ¿Cuánto?